A pignon cassé, cassé. Spit ta coiffe et jaser, super cassé. Vindalisé, fucky, buggy, sans protégé. Masque parti, éloigné, marche, puis ça commence à gratter. Rampe, puis ça commence à barder. Frappe au lieu de parler, parler. Les gens veulent pas s'éloigner, ils se rapprochent avec des poignes. Personne veut se faire fourrer, courir vite. Parfait, bourré, bourré. Tout le monde des ex, c'est fermé, ventre, puis des yeux brûlés, puis cassé, craché. Jeter du linge neuf, qui est dépassé. Parler d'écologie, mais se tourner papier torché. Musique continente buzzée, va dans l'eau, pas tapisser. À guerre sur nous, faut tirer, gogol bordello inné. Oublier d'apprendre à parler, déplier, surprendre à me parler. Les gens veulent pas se déranger, ça tire des pièces à des pieds. C'est une édition limitée, c'est mes sœurs qui l'ont commandé. Ma page peut pas commenter, j'ai juste un compte à compter. My bad, j'ai pas commencé, puis faut de tout le monde à compter. Yo, deuxième verse même pas righty. Concept à Watts c'est bitey. Tout le monde veut vivre à LA. Québec c'est plus que doré. Un mot vous bleu ben tassé. T'es la carte tu peux jaser. T'es la feuille tu peux pousser. Y'a des lois faites pour tousser. Les gars sont même plus stressés. Les cops sont là pour aider. La loi c'est faite pour tasser. Les pauvres les plus écorchés. Mon peuple est tanné torché. Marcher pour la reine se jeter. Être la licampaine enchaînée. Se faire pimper par la mémé. Mon cas je l'ai pas gagné. Je l'ai jamais déclaré. Ma facture est échappée. Perdue dans un poulet pressé. Les gens sont fous. Baiser. La télé corps est baisée au profond de la naissance d'une idée cassée. T'as plus le goût d'échanger. Ton programme t'a bien fourré. Maintenant tu finis bourré. T'as l'impression d'être rempli. Mais tu viens juste de te vider. Le pain, les cartons sucrés. Le sel, puis là t'es dragué. Le green, c'est fait pour tricoter. De la vie des villes ennuyées. Qui est? Tu me manges, j'ai qui est? On se demande, on est qui est? Tu me manges, j'ai qui est? Je me demande, j'ai qui se demande chez qui, mais on se demande on est qui. Digital girl, global round the world, who is her, why am I going there, you and I, who am I, we can't hide. Digital girl, global round the world, who is her, why am I going there.